Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une émission sur Les Affranchis de Martin Scorsese, initialement diffusée le 20 mai 2020 et intitulée Les Affranchis ou l'éthique du gangster. Les Affranchis, en anglais The Goodfellows de Martin Scorsese, sort au cinéma le 19 septembre 1990. Il raconte l'histoire vraie de Henry Hill, un gangster new-yorkais que l'on trouve dans un livre dont Scorsese se saisit pour formuler à l'écran plusieurs questions décisives. Qu'est-ce qu'un gangster? Quels sont ses désirs, ses codes, sa morale? Et son but est-il de changer le monde ou de lui imposer une nouvelle norme? Tout commence avec une prise de conscience, celle de Scorsese qui, du haut de ses 8 ans, regarde le monde qui l'entoure et, devenu grand et réalisateur, décide de prendre en compte l'être humain avec ses défauts. J'ai pris conscience du milieu qui m'entourait dans le centre-ville de New York, dans le vieux quartier italien, sicilien en fait. J'en ai pris conscience à l'âge de 8 ans. Et c'était le monde. C'était pas quelque chose qui m'était étranger. Ces gens, ils étaient mêlés à ma famille, des gens qui travaillaient dur, des ouvriers. En fait, ce sont les personnes qui vivent par procuration, l'ascension du gangster, pouvoir faire tout ce que l'on veut, avec très peu de conflits, pour ainsi dire. Dans Goodfellas, les affranchis, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de faire la queue pour acheter du pain, ils vont directement au comptoir. L'important était, pour le genre américain, c'était la chute du gangster. C'était ça l'important. Il fallait voir la chute. C'était par procuration une représentation morale. Comment gouverner? Comment gouverner un individu? Faut-il revenir à l'ancien régime où l'on croyait en un roi philosophe? Ça n'a pas marché. Ça n'a tout simplement pas marché. Il faut donc prendre en compte les défauts de l'être humain. Jimmy. What's up? Did I hit something? What is that? Is it flat? What? No. What the fuck? You better pull over and see. Yeah. Still alive. No. Fucking piece of shit. God. Oh, God. Look at me. Look at my fucking eyes. God. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double file devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics. Must I forever be a beggar? Those golden dreams will not come true. Bonjour Sophie Tigon. Merci d'être avec nous ce matin. Vous préférez être gangster ou président des États-Unis? Je dois avouer que comme beaucoup de gens, j'éprouve beaucoup de sympathie envers les gangsters. Surtout ceux du cinéma. Oui, et surtout ceux de Martin Scorsese, on va en parler ce matin. Vous êtes, Sophie Gigot, chez vous, hein, comme moi, puisqu'on continue les émissions depuis les domiciles confinés. Vous êtes surtout philosophe, spécialiste de philosophie sociale, politique et éthique. Et vous menez des enquêtes philosophiques sur l'éthique des gangsters. Hein, c'est le titre d'un livre paru aux presses universitaires de Rennes en 2016. Mais aussi dans un tout autre registre, dans les campements de migrants à Calais. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou est-ce que ce sont deux casquettes différentes? Je voudrais surtout pas assigner le rôle de gangster aux exilés qui sont à Calais, sans doute pas. En revanche, sur le questionnement moral et la question du rapport à la loi et de la teneur morale des conduites de la vie pour ceux qui sont en marge des lois, oui, il y a un lien qu'on peut faire. Oui, c'est la réflexion morale qui vous intéresse. Alors, votre livre s'appelle L'éthique du gangster. On peut vraiment parler d'une éthique du gangster? Oui, tout à fait. D'autant plus qu'en philosophie, on a quand même beaucoup de traditions différentes qui distinguent ou qui ont à cœur de bâtir des distinctions entre la morale comme un ensemble de règles, de normes qui sont socialement établies, définies. On trouve ça chez des penseurs très différents, par exemple chez Bergson. Et l'éthique, qui va plutôt être du côté de l'individu, du singulier, de conduites inédites qui vont s'adapter à des situations parce qu'elles sont tout à fait spécifiques, ou alors qui obligent l'individu à être dans une posture plus créatrice. Et on peut très bien voir se rejoindre ces deux tendances, la morale et l'éthique, l'éthique devenant, se sédimentant au fil du temps et devenant la source de règles et de nouvelles normes. Et donc ce qui m'intéressait chez les gangsters, c'est effectivement leur position un petit peu décalée, un petit peu à l'écart. Jamais trop, mais quand même dans un écart, dans une marge, puisqu'ils sont définis eux-mêmes comme des hors-la-loi, les affranchis, ce très beau titre du film de Scorsese. Et donc, ils nous ouvrent toute une réflexion sur les chemins buissonniers de la morale, pour paraphraser une expression de Robert Musil, c'est-à-dire d'autres conduites quand obéir aux lois n'est pas possible ou n'est plus un choix, ou lorsqu'on est amené par nécessité ou pour d'autres raisons à enfreindre effectivement les lois. Oui, c'est tout l'enjeu de la réflexion sur le gangster que proposent les films de Scorsese, parce que oui, c'est une vraie réflexion qu'il propose, c'est de montrer que le gangster est peut-être un hors-la-loi, mais ce n'est pas quelqu'un qui vit sans loi. Au contraire, il a à cœur de reconduire un nouveau système de lois, de codes et de normes, et c'est pour ça sans doute qu'on peut parler d'éthique. Exactement. Et dans les extraits qui viennent d'être diffusés tout au début de l'émission, il est donc rappelé effectivement, parce que c'est le tout début du film, ce titre, Les Affranchis, et il y a un enchâssement en fait de ce titre entre cette première scène qu'on a entendue, qui est très intéressante à l'écoute, où on est tout de suite confronté à la réalité assez abjecte pour le coup du monde des gangsters, une réalité très violente où les individus transportent le futur cadavre dans le coffre de la voiture. Et donc là, on voit bien comment ils sont eux-mêmes assujettis aux règles du milieu qui font que on sait très bien dès qu'on entend la victime dans le coffre qu'elle va être très rapidement la suite des événements. Et d'un autre côté, cette sorte d'idéalisation qui apparaît avec ce fond musical extraordinaire qui apparaît à travers le regard de l'enfant qui observe les gangsters par le filtre de la vitre, de sa fenêtre, et qui voit tout le glamour, la liberté. Ils ont l'air d'être des esprits libres, loin du conformisme, qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles que les autres, qui ne sont pas assignés aux mêmes positions subalternes que les autres. Et peut-être que quelque part, comme Scorsese, quand il allait lui-même au cinéma, quand il était enfant, eh bien, nous aussi, nous voyons, non pas à travers la vitre, mais à travers le filtre de l'écran, des gangsters sur lesquels nous projetons une vision un petit peu idéalisée. Et c'est pour ça que le livre que j'ai écrit portait sur l'éthique du gangster au cinéma, parce que je crois effectivement que ces figures de gangsters au cinéma, et notamment dans les films de Scorsese, cristallisent tout un univers moral qui nous intéresse, qui fait partie des questionnements que nous avons. Et donc, ce sont des grandes figures éthiques ou morales qui leur donnent une densité. Alors, puisqu'on parle de morale, mettons les pieds dans le plat, enfin, je m'y colle, et je l'assume, je vais vous faire une objection qui est sans doute déjà présente dans l'esprit beaucoup d'auditeurs, qui tient en une formule qu'on a beaucoup entendue ces dernières années, c'est celle de l'esthétisation de la violence. On l'applique souvent au film de Tarantino, mais ça s'applique aussi à Scorsese. Que répondez-vous à ceux qui vont vous dire « Mais attendez, regardez ce film, il est d'une violence inouïe, et en plus avec la musique, les plans, on a l'impression que la violence devient un spectacle, et que ainsi elle est légitimée, que ça va encourager les gens à être encore plus violents ». J'imagine que vous avez eu mille fois l'occasion de répondre à cette question, alors je vous la pose pour entendre votre réponse. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas du tout vouloir édulcorer le problème. Il y a une véritable difficulté de ce passage de la violence à l'écran qui nous met en position presque de voyeurisme, avec en plus l'effet paradoxal du cinéma. Je pense que quand Scorsese met en scène cette violence du milieu des gangsters, il le fait par un véritable souci de réalisme. Et l'effet paradoxal du cinéma, c'est que ce réalisme produit de l'artifice. Et donc, on assiste à une violence qui est excessive, presque kitsch, l'hémoglobine, etc. Et on est tenté de se dire que, justement, c'est du cinéma. Mmh. Alors qu'en réalité, c'est motivé par ce souci de réel qui habite Scorsese. Vous l'avez rappelé à travers le tout début de l'interview qu'on a entendu, et votre propos, c'est d'ailleurs l'avertissement qui figure tout au début du film. Le film est tiré d'une histoire vraie. Et Pileggi, l'auteur de l'ouvrage The Wise Guy, a lui-même participé aussi de manière très proche à l'écriture du scénario. Donc l'idée, c'était justement de ne pas édulcorer la réalité et de donner à voir cette violence. Donc il y a vraiment cet effort chez Scorsese, dans tout son univers, je crois, de restituer l'abject, de l'explorer, de nous le faire voir. C'était aussi d'ailleurs quelque chose, cette idée de nous faire voir l'abject et peut-être même de nous conduire à l'aimer ou à l'apprécier, une idée qu'on trouvait dans un article d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Robert Musil, qui a réfléchi à la présence de ce qu'il appelle le malsain et l'obscène dans l'art. Mmh. Et à l'époque, quand il écrivait ça, évidemment, on était très loin de Scorsese, et c'était pour défendre Madame Bovary de Flaubert contre la censure. Parce que à cette époque-là, la censure pointait aussi la violence qu'il pouvait y avoir dans cette œuvre. Et donc, pour revenir à Scorsese, ce qui me semble très important de comprendre, c'est que la violence n'est jamais dans son cinéma superflue, sans propos. C'est vraiment une violence qui a une fonction. Et c'est une violence qui est particulièrement obscène, parce que elle est mise en scène exactement comme les gangsters la mettent en scène dans la vie réelle. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a une fonction symbolique de la violence physique dans le milieu, dans les mafias, où très souvent le but est de parvenir à une humiliation publique. Et d'où la mise en scène de ces corps. Et on le voit, je pense notamment à une scène du film. D'ailleurs, on ne le voit pas, ça nous est raconté, on le voit partiellement du film Des Affranchis, c'est la mort tragique du gangster Tommy, qui est joué par l'acteur Joe Pesci, qui est incroyable pour incarner ce personnage de tueur quasiment psychopathe, qui est vraiment toujours à la limite. Et donc, Tommy est lui-même un gangster particulièrement violent, et sa mort est tout à fait terrible, puisque au moment où il est supposé, croit-il, être nommé caïd, ce qui est vraiment le rang ultime dans la hiérarchie, le plus élevé dans la hiérarchie du gang et des familles encore claniques de la mafia sicilienne, eh bien, il est abattu, et il est abattu volontairement d'une balle dans le dos, enfin dans la tête plus précisément, parce que le but, c'est de produire une défiguration du cadavre pour empêcher l'exposition du corps au moment de l'enterrement. Donc on est vraiment dans une sorte de violence ultime à laquelle aucune réponse n'est possible, puisque Tommy, pour le coup, est mort, et la production d'une humiliation à la fois publique et ultime. Pour le dire en deux mots, l'histoire des Affranchis se passe à Brooklyn en 1955. Le jeune Henry Hill admire, comme Scorsese quand il était enfant dans l'archive qu'on a entendu, admire les gangs de mafieux autour de lui et fait tout pour y appartenir. Il va rejoindre officiellement le gang, il va coordonner notamment le vol d'Air France, il va voler 1,5 million en liquide à l'âge de 23 ans, il rencontre Karen dont il tombe amoureux, qu'il épouse, le mariage est assez heureux mais il rencontre une autre femme, il va mener un autre casse et tout le film raconte l'ascension de ce personnage jusqu'à la fin que je ne dévoilerai pas encore. On garde la fin du film pour la fin de l'émission. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire connaissance avec un autre personnage. Vous l'avez cité, il s'agit de Tommy, Joe Pesci. Et dans la scène qu'on va entendre, vous allez comprendre le type de caractère qu'est celui de Tommy et le type de rapport de force qui est engagé entre les gangsters eux-mêmes. Et on a bien insisté là-dessus, il s'agit pas d'être complètement indépendant de toute forme de normes ou de lois, mais d'en reconduire de nouvelles qui ont pour base, bien souvent, l'orgueil et un humour un peu étrange. Écoutez. What's really funny is the fucking bank job away in Sea Caucus. I'm in the middle of the fucking weeds, laying down. He comes over, he says, what are you doing? I said, I'm resting. Hey, are you resting? At a fucking beach in a park. I said, I'm resting. I know I'm resting, I'm resting. They pull me in, they start giving me all kinds of questions, you know, this and that. He says, oh, so what are you going to tell us, tough guy? I said, my usual. Zero, nothing. I tell you. Arrive pas non, aujourd'hui tu vas me dire quelque chose, gros caïd. J'ai fait d'accord, je te dis quelque chose. Allez, va enfiler ta mère. T'as eu les journaux, t'as eu le matron, j'avais les cheveux comme ça sur la tête, les enflés, putain, ouais. Alors après je me réveille, tu vois, et puis je commence à émerger, j'ouvre mes yeux, et qui voit sous mon nez la même tronche de con. Il fait, alors qu'est-ce qu'il va me dire maintenant, gros caïd? Je lui fais, ah bah merde, qu'est-ce que tu fais là? Là je croyais t'avoir dit d'aller enfiler ta mère. J'ai cru qu'il allait se chier dessus. Oh putain, quel... tu me fais marrer. T'es vachement marrant. Hein, comment ça, je suis marrant? C'est marrant, c'est drôle ton histoire. C'est marrant, je me fais rigoler. Et marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Attends, Tommy. Non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Ouais, marrant comment? J'ai... Quoi? Juste ta façon de raconter une histoire, je sais pas, tu sais. Ah non, j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-moi ce qui est marrant. Arrête de te foutre de ma gueule, Tommy. Oh l'enfoiré, encore un peu je l'avais, hein. Encore un peu je l'avais, non. Mais t'as vu ce con? Il en bégayait, hein. Il tremblait comme une feuille. Tu sais, il y a des fois où je me demande, Henri, tu risques de passer à table sur le cuisine. I grew up in a world where violence was a serious option. Moi, j'ai grandi dans un monde où la violence était tout un monde, toute une chose importante. And violence was something that la violence c'était quelque chose. I was used to it erupting around me all the time. Donc j'avais l'habitude qu'elle jaillisse autour de moi quelque part à un moment. And if it wasn't erupting, I felt that. Et si jamais elle n'arrivait pas, je me disais toujours que c'était une possibilité. The more we deny the violence in ourselves. Plus on fait du déni par rapport à la violence en nous-mêmes, plus il faut l'explorer. Et pour l'accepter, il faut accepter que nous soyons violents. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de Scorsese cette semaine, aujourd'hui du film Les Affranchis, en compagnie de Sophie Djigou. On réfléchit à l'éthique du gangster. Alors le gangster dont il est question dans cet extrait, il faut le dire tout de suite quand même, Sophie Djigou, c'est un gangster qui correspond à la fois au cliché, à l'archétype du gangster, sanguin, colérique, qui tue sans compter, c'est ce que fait Tommy. Mais en même temps, dans ce film, il y a aussi une sorte d'affranchissement des codes du gangster traditionnel tel qu'on le trouve dans les films des années 30, puisque Henry ne correspond pas à ce type de gangster, Polly non plus, qui est une espèce de papa plutôt bienveillant et qui veille sur les autres et qui est toujours calme. Il y a toute une panoplie du gangster qui est explorée dans ce film-là, qui montre que la catégorie est plus souple et plus fine qu'il n'y paraît. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les premiers films des années 30, on a presque des archétypes de la figure du gangster, avec des codes vraiment très tranchés, des types, des tempéraments. Le sanguin, comme vous l'avez dit, le bilieux, on pense voilà, à ces gangsters comme Scarface, Paul Muni jouant dans le film de Howard Hawks, ou le petit César. Et donc, ils ont marqué effectivement toute une filmographie. Et on voit que le film de gangster de ces années 30, 40, 50 va évoluer vers une autre typologie. Et c'est aussi lié aux conditions socio-historiques dans lesquelles ces films et les gangsters réels eux-mêmes vont se développer. Et donc, c'est vrai que dans les films des années 80-90, on va avoir des gangsters qui visent moins cette espèce d'ascension météorique à laquelle bien souvent succède une chute d'autant plus violente. On va plutôt avoir des gangsters qui ont un souci de la discrétion, un souci d'intégrer les générations futures. Pensons à la saga du Parrain, où il s'agit pour Vito et encore un petit peu Michael Corleone de se sacrifier pour que leurs enfants puissent faire partie des héritiers de ceux qui ont les capitaux, dont les parents se sont chargés de l'acquisition, et puissent continuer par une voie légale et honnête leur chemin vers une très haute réussite sociale. Donc là, on a voilà ce personnage de Polly qui à la fois est bienveillant et qui est aussi très discret, ou le personnage de Conway qui est joué par Robert De Niro, qui est aussi quelqu'un qui a le sens de la mesure. Dis attention, une fois qu'on a fait le casse, il faut pas être dans le clinquant, il faut pas que notre enrichissement soit visible. Donc toujours cette idée d'éviter le clinquant, d'éviter le m'as-tu vu, Donc d'éviter en fait tout ce qui caractérise le parvenu, puisque ces gens sont tous des parvenus, et d'adopter le charme discret de la bourgeoisie en quelque sorte. Hein, y a un peu de ça. Et donc au milieu de cet environnement très mesuré, très modéré, on a le surgissement de ce gangster qui lui joue vraiment le grand écart. C'est-à-dire que au fond, Tommy, donc. Voilà Tommy, joué par Joe Pesci. Et c'est vrai que, bien sûr, les gangsters sont affranchis du système, mais en réalité, ils sont une partie de ce système. Et donc, d'un côté, il y a des lois qu'ils transgressent, et ils sont bien sûr pas les seuls, mais en même temps, il faut que l'écart vis-à-vis du système, ou de ces lois, ne soit pas trop important. Sinon, ça devient intolérable pour le système lui-même. C'est la raison pour laquelle les gangsters qu'on évoquait, qui étaient beaucoup plus, avec un grain de folie, des abus de pouvoir hyper visibles, spectaculaires finalement, étaient à la fin l'objet d'une sanction tout aussi spectaculaire. Là, pour éviter de faire à la fois un coup d'éclat, mais aussi de mal finir, eh bien, l'écart reste très mesuré par rapport à la norme. Et avec le personnage de Tommy, c'est vrai qu'on bascule du normal au pathologique et on retrouve le grain de folie des Scarface et autres. Et en même temps, il y a une formidable intelligence chez ce personnage de Tommy, qu'on voit bien dans cette scène. Parce que il y a un rapport de force qui est en train de se jouer dans cette scène, entre Tommy et Henry Hill. Et au fond, Tommy, qui est le mieux à même de devenir caïd, et c'est d'ailleurs effectivement à un moment du film qu'il sera nommé pour l'être parce que lui est d'ascendance purement sicilienne, ce qui n'est pas le cas de Tommy, qui a du sang irlandais, donc il ne peut de toute façon pas prétendre à être l'un des chefs en haut. Il ne peut pas prétendre de toute façon à devenir caïd, parce qu'il y a aussi cette dimension raciale ou ethnique qui est très présente. Donc Tommy est vraiment le candidat, le meilleur candidat dans le petit groupe des gangsters. Et le prétendant, le futur roi, se sait en même temps bouffon. Et c'est ce qu'on voit bien dans cette scène, avec une oscillation entre cette posture du roi caïd et cette posture du bouffon. Et avec une très forte susceptibilité, et qui en même temps est une susceptibilité feinte, au moins en partie, parce que Tommy reste lucide sur sa condition de parvenu, de quelqu'un qui reste très vulgaire, etc. Et en même temps, c'est une scène qui est terrifiante, parce que on craint ce dérapage possible. Oui, c'est absolument glaçant. Tout à fait. Il est en train de faire une blague, et donc tout le monde rigole, et Henry lui dit « You're funny », et la réponse « How am I funny ? Pourquoi dis-tu que je suis drôle ? Qu'est-ce que tu entends par drôle ?» Et là, il fait semblant de se vexer, mais il fait tellement semblant qu'on se demande s'il fait semblant ou pas, et on pressent une espèce de basculement instantané qui peut se produire et qui se produira plus tard, si bien que le spectateur lui-même ne sait pas s'il faut rire ou ne pas rire. On est pris là dans une espèce de paradoxe dont on ne sait pas trop comment se sortir. Tout à fait, c'est une façon de tester son pouvoir, puisque c'est aussi la manière très mise en scène, très, très comédienne finalement, dont les relations de hiérarchie se nouent au sein de la communauté du gang. Et donc là, il est en train, Tommy, de tester la crainte qu'il inspire, parce que le respect est aussi, dans ce monde-là, tenu par la crainte. Et ça montre aussi comment les rapports d'amitié sont très complexes. Bien souvent, ce sont des rapports qui sont aussi mêlés de relations de vassalité, d'assujettissement. Les amis sont des créanciers ou à l'inverse des débiteurs. Donc, ça permet aussi de comprendre que cette idée d'être affranchi n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on n'est jamais radicalement affranchi. On ne l'est jamais de manière absolue. En fait, on s'affranchit d'un système pour retomber dans un autre dont les relations peuvent être encore plus pesantes et oppressantes. Et il y a aussi un petit détail à la fin de cette scène qui est intéressant. C'est la véritable prémonition de Tommy qui annonce la trahison future de Henry Hill. Parce qu'il a compris que Henry a une forme de faiblesse aussi. Il a une forme de faiblesse et c'est quelqu'un qui, même au sein du gang, restera toujours dans une position relativement subalterne. Il n'a pas la carrure d'un Scarface, d'un Vito Corleone. Non, c'est le type assez ordinaire finalement, et qui, parce qu'il se sent ou se sait ordinaire, craint de l'être tout à fait. Oui, c'est en ça que le personnage de Henry Hill est fascinant, peut-être par sa normalité ou son absence de côté caïd ou de surhomme, justement. C'est un Américain moyen qui veut dépasser les normes associées à la vie de l'Américain moyen et qui ne va pas y arriver ou alors uniquement de façon temporaire. On pourrait dire, vous citiez Musil en début d'émission, justement, Musil, dans un texte qu'on va entendre dans un instant, fait cette distinction entre ceux qui ont le sens du réel et ceux qui ont le sens du possible. Vous direz que Henry Hill, c'est celui qui a le sens du possible. Il croit qu'il est possible de s'affranchir du sens du réel et qu'en fait, il n'y arrive pas vraiment. Alors, il a sans doute, hein, sans aucun doute, le sens du possible. Et on le voit l'incarner dès ce début du film où, en tant qu'enfant, il rêve de devenir gangster. Et ensuite, eh bien, il y a deux choses. C'est-à-dire que la première, c'est que son sens du possible est parfois un petit peu idéaliste et donc il n'arrive pas à aller au bout de la réalisation de ses possibilités. Et la deuxième chose, c'est que c'est un personnage qui manque relativement d'ambition. Et donc qui finalement va effectivement suivre certaines voies possibles, mais sans que ce soit des voies totalement exceptionnelles. Finalement, la dimension exceptionnelle de sa vie, il l'attire des autres. Il l'attire du groupe des gangsters au sein duquel il est parvenu quand même à se faire une place, mais ses ambitions relèvent d'un certain opportunisme. Donc il saisit l'opportunité de participer au CAS, mais c'est pas lui qui a eu l'idée, c'est Jimmy Conway. Il saisit l'opportunité de faire un trafic un petit peu parallèle et indépendant d'une partie de la drogue qu'il fait transiter. Mais c'est à une toute petite échelle qui va lui coûter, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un personnage de grande envergure. Et c'est aussi l'un des intérêts du film. Parce qu'au fond, la plupart des films de gangsters sont centralisés autour d'une grande figure de pouvoir qui est un loup solitaire au sommet de toute la hiérarchie du gang. Et là, on est dans une figure, effectivement, beaucoup plus dans l'entre-deux, beaucoup plus proche de nous, ce qui favorise l'identification du spectateur, ce qui permet de poser cette question du rapport entre le gangster et l'homme ordinaire, et qui est renforcée aussi par la voix off, puisque une partie du film, avec cette voix off, est racontée du point de vue de Henry Hill. Alors Henry Hill est-il un homme sans qualité, comme dirait Musil ? Voici le texte. S'il y a un sens du réel, il doit bien y avoir quelque chose que l'on pourrait appeler le sens du possible. L'homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas « ici c'est produite, va se produire, doit se produire telle ou telle chose ». Mais il imaginera « ici pourrait, devrait se produire telle ou telle chose ». On voit que les conséquences de cette disposition créatrice peuvent être remarquables. Malheureusement, il n'est pas rare qu'elle fasse apparaître faux ce que les hommes admirent et licite ce qu'ils interdisent, ou indifférents l'un et l'autre. Quand on découvre des tendances de ce genre chez un enfant, on s'empresse de les lui faire passer. On lui dit que ces gens sont des rêveurs, des extravagants, des faibles, d'éternels mécontents qui savent tout mieux que les autres. Quand on veut les louer, au contraire, on dit de ces fous qu'ils sont des idéalistes. Mais il est clair que l'on ne définit ainsi jamais que leur variété inférieure. Ceux qui ne peuvent saisir le réel ou l'évitent piteusement. Ceux chez qui, par conséquent, le manque de sens du réel est une véritable déficience. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. L'homme sans qualité de Robert Musil pose la question de l'identité personnelle. Est-ce qu'un homme peut exister par des qualités qui le définissent ou n'existe-t-il que dans le regard des autres, n'existe-t-il que par imitation avec les autres ? A-t-il une consistance quelconque ? Finalement, cette question-là, que l'on trouve dans ce texte, on la retrouve aussi dans Les Affranchis et dans les films de Scorsese et dans les films de gangsters en général, Sophie Gigot. Est-ce que vous diriez que c'est la même problématique du rapport au soi entre réel et possible ? Tout à fait. Et alors, je trouve que ce texte de Musil, merci de l'avoir choisi, entre vraiment en très forte résonance avec Les Affranchis. Parce que quand Mouzil parle des éternels mécontents qui savent tout mieux que les autres, mais finalement, c'est une excellente traduction de ce terme très difficile à traduire en français, de « good fellas ». Alors, on a traduit par « les affranchis », mais en réalité, c'est pas ça que ça veut dire. De « good fellas », c'est les bons, les petits malins. Et le titre du livre de Pileggi, qui devait à l'origine être le titre du film, « The Wise Guy », c'est exactement ça, c'est celui qui se croit plus malin que les autres. Et donc, il y a de ça dans « l'homme du possible », tel que les autres peuvent, de manière péjorative, le définir. Alors, chez Musil, c'est aussi une figure, cet homme du possible, qui intervient comme critique d'un repoussoir qui est l'homme du réel. Et ce qui est tout à fait frappant, si on projette ce type de concept dans l'univers des films de gangsters et l'univers américain de ces années-là, c'est que cet homme du réel, qui agace fortement Musil, c'est celui de l'efficacité économique, c'est celui de la réelle politique, c'est le pseudo-pragmatisme, le pragmatisme dévoyé, pas le pragmatisme philosophique, évidemment. Et donc, ce que Musil nous laisse entendre, c'est qu'au fond, ce soi-disant souci du réel n'a rien à voir avec le réalisme. C'est une posture de pouvoir qui est très conservatrice et qui vise à perpétuer des privilèges et des inégalités. Et donc, évidemment, les gangsters, alors c'est particulièrement vrai dans le cinéma américain, s'enracinent dans une problématique historique et sociale qui est celle de l'immigration. Donc, on a ces immigrés irlandais, siciliens, etc., qui, eux, ne sont pas des héritiers, donc ne sont pas à leur avantage dans cette perpétuation ou reproduction des inégalités, qui, du coup, n'ont pas d'autre choix que d'imaginer des alternatives, et donc de se libérer, de s'émanciper de ces déterminismes sociaux qui les assignent à ces positions d'être laborieux, de gagne petit, exploité par le grand capital. Donc c'est ce refus aussi qui se manifeste dans le sens du possible, et ces esprits libres. Voilà, les petits détails du film sont très révélateurs. Ne pas avoir besoin de faire la queue pour acheter sa baguette de pain, ne pas avoir de PV quand on joue aux cartes toute la nuit. Donc l'idée de ne pas être assujetti comme les autres à cette surveillance policière qui règne dans les quartiers d'immigration et à cette exploitation socio-économique. Donc du coup, l'homme du possible, c'est effectivement la voie possible du gangster pour échapper à des inégalités qui sont des inégalités économique. Oui, c'est passionnant de voir les choses sous cet angle et de voir comment Musil peut nous aider à mieux regarder Les Affranchis. On va rejoindre un lieu qu'on rejoint rarement dans les films de Scorsese à présent, Sophie Gigot. C'est un univers féminin. Il faut quand même qu'on aborde la question de la place des femmes dans cet univers, dans l'univers des gangsters, dans l'univers de la filmographie de Martin Scorsese. Et ce film nous en donne l'occasion, puisque avec le personnage de la femme de Henry Hill, qui s'appelle Karen, eh bien, nous est donné la possibilité d'être entouré de femmes, d'être dans un lieu où toutes les femmes prennent soin de leur peau, de leurs cheveux, et de regarder à travers le regard et d'entendre à travers la voix off de Karen ce qu'elle voit. Et ben, c'est pas très beau à voir. Well, we weren't married to 9-to-5 guys, but the first time I realized how different was when Mickey had a hostess party. The Sheen. Yeah. Where are you from? Lawrence. Oh yeah, Lawrence, out in the island. That's nice. I'm from Miami. You ever been there? No. It's okay, but it's like you died and woke up in Jew heaven. Angie, arrête de tripoter. T'as toujours les mains en avant. J'ai une de ces envies de lui balancer une. C'est le rouquin. On dirait un vrai plou. Je peux pas passer la grille du jardin sans qu'il vienne coller ses sales mains sur moi. Je l'ai prévenu. J'ai dit, tu me fous encore tes sales pattes dessus, obsédé. Je te les coupe. C'est génial. Je t'assure, hein, il sait pas avec quoi il joue, hein, là. Si jamais j'en cause à Vinny, la suite, je préfère c'est pas savoir. Problème. Comment tu vas en parler à Vinny? Il est triple, au secours. Seulement si j'en parle, Vinny va le buter, ce pauvre connard, et il va se ramasser perpète. Pourquoi t'as des problèmes? Et le gamin, Janie, alors? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il jouait aux cartes avec des copains, il s'engueule à cause de 10 dollars, le môme sort un flingue, le coup part, un gosse est tué. Quand la grand-mère l'apprend et qu'elle s'aperçoit qu'il est en tôle, elle a une attaque et pof, la vieille tombe raide. Oh. Maintenant, Jenny a son mari et son fils entre quatre murs et sa mère entre quatre planches. Elles avaient vraiment une vilaine peau et elles étaient trop maquillées. En fait, elles étaient pas terribles. Elle envoie. Elles avaient l'air au bout du rouleau. C'est d'une brutalité. Elle portait des choses de mauvais goût et qu'elle n'est pas ensemble. Beaucoup d'ensemble, pantalons et jersey. Une miette. Le matin, elle reste au lit et elle passe toute sa vie en robe de chambre. C'est pas un ange, croyez-moi sur parole. Elle racontait que leurs enfants étaient impossibles, qu'elle leur flanquait des roustes à coups de manches à balai et de ceinture, mais que les gosses n'en faisaient quand même qu'à leur tête. Pauvre beau. Quand Henri passait me prendre, j'avais la tête qui tournait. C'est pas moi, je sais pas si je pourrais vivre comme ça. Le personnage de Karen est très réussi dans ce film, interprété par Lorraine Bracco. Elle est fine, elle est intelligente, elle est drôle. Et quand elle a la parole, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, finalement, elle semble relayer presque un point de vue masculin. Elle méprise profondément les femmes qui se trouvent autour d'elle. Est-ce que c'est pas la limite de la promesse, de l'affranchissement que fait le gangster? Finalement, les femmes ne peuvent pas atteindre, ne vont jamais s'affranchir de leur statut, en tout cas... Dans ce film, c'est pas le cas, et dans les autres films de Scorsese non plus. Les femmes sont un peu les exclues des affranchis, non, Sophie Gigot? En partie, oui, très certainement. Et on peut dire que le cinéma des gangsters est vraiment un cinéma qui reprend des stéréotypes de genre tout à fait éculés, même dans des films assez récents, où les femmes sont assignées à des clichés, la femme salvatrice, blonde, pure, qui va sauver le gangster du milieu, ou alors la prostituée, donc ou bien dernière alternative, elles font simplement partie du décor. Ouais. Et là, c'est intéressant et inédit puisque la voix off de Henry Hill est doublée par celle de Karen. Donc c'est déjà quand même quelque chose puisque elle sort du décor pour être mise sur le devant de la scène et elle nous fait découvrir au fond l'envers du décor. Et je ne sais pas si c'est seulement elle qui ne peut pas, elle, et les autres femmes non plus, s'affranchir, faire partie des affranchis. Je trouve qu'au fond, elle nous montre plutôt que ces affranchis restent tous prisonniers de ces coulisses, de cet envers du décor, c'est-à-dire d'une certaine forme de vulgaire, d'un enfermement dans la communauté, dans cet entre-soi. Combien de scènes voit-on Henry Hill en train de courir entre couper la cocaïne et surveiller la sauce des pâtes, et puis l'absence de culture, une certaine vulgarité qui se répercute à la fois sur les codes vestimentaires, mais aussi dans les conversations. Et donc, finalement, lorsqu'ils sont dans l'action, parfois très violente, les gangsters donnent le change. Et puis, il y a tout cet univers nocturne, des cafés, des tripots, etc. Mais d'un autre côté, ils sont fatalement toujours ramenés à l'ordinaire de la famille. Et cet ordinaire de la famille échappe, au fond, très difficilement au vulgaire et au côté plouc, comme le dit Henry à d'autres endroits, auquel ils essayent d'échapper. Qui est son pire cauchemar, hein? Être un plouc, c'est son pire cauchemar. Tout à fait. À cela s'ajoute le fait, effectivement, que l'univers moral de ces gangs, il est doublé par un univers très traditionnel et même moralisateur, avec des valeurs qui sont des valeurs traditionnalistes de la famille, de la loyauté, de la fidélité. Il y a un autre moment, par exemple, dans le film où Henry a effectivement une maîtresse et où les chefs du gang, notamment Polly, viennent le voir pour lui faire la leçon et lui expliquer que ça ne se fait pas, on divorce pas, donc il faut être discret et sauver les convenances et les apparences du point de vue moral. Donc au fond, là encore, on se rend compte que cette idée d'être affranchi est écornée. Il y a un côté rêve et malheureusement illusoire dans cet affranchissement. Et donc, loin des clichés glamour, peut-être que le personnage de Karen est l'un de ceux qui nous fait le mieux percevoir la réalité tout à fait triviale de ce que c'est que d'appartenir à cette communauté. Oui, c'est ça. C'est à travers ce personnage qu'on comprend à quel point ces gangsters sont non seulement assez moralisateurs et traditionnels, mais ne sont pas du tout pour une libération de quiconque. En fait, celui qui devient un gangster pense, se faisant réaliser le rêve américain dans toute sa splendeur, ou lui tourner le dos au cliché du rêve américain pour finalement en proposer un autre, mais à aucun moment il ne se libère de quoi que ce soit, il s'enfonce encore plus dans un monde de codes stéréotypés, et tout est fait pour finalement contraindre chacun, et y compris et surtout sans doute les femmes, en tout cas cette femme. Tout à fait. Et les images montrent très bien l'enfermement dont Karen est victime. Elle est toujours filmée à l'intérieur, dans la maison. Et il y a un côté très oppressant de ces scènes. Mmh. Et c'est vrai que ça n'est pas compensé par les plaisirs de la culture et de l'amitié, puisque ces conversations entre femmes sont des bavardages insignifiants et stériles. Et donc, il y a d'ailleurs un contraste entre ces scènes où l'univers domestique devient quasi carcéral et, à l'inverse, l'émancipation que touche presque du doigt les membres masculins du gang lorsque, à l'inverse, ils se font arrêter et jeter en prison. Ouais. Où là, ils jouissent au fond d'un certain nombre de privilèges dont ces femmes sont totalement privées et de plaisirs très raffinés qui contrastent avec cet univers ordinaire, vulgaire, etc. Oui, alors je résiste pas au plaisir de faire entendre cette scène qui est absolument incroyable. Donc on se trouve en prison avec la plupart des membres du gang. Et il faut garder en tête, enfin imaginez pendant que vous écoutez cette scène, des plans mémorables de gousses d'ail découpées à l'aide d'un petit rasoir aiguisé au millimètre près. Et puis surtout, ce sont les seuls prisonniers au monde, sans doute, qui parlent de se mettre au régime. Écoutez. I'll call you up when I get a chance. Now take me to jail. In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system. Combien de boîtes de tomates tu as mis? J'ai mis deux boîtes, deux grosses. On n'a pas besoin de trois. Johnny Dis s'occupait de la viande. Paulie. On n'avait pas de grill, alors Johnny faisait tout à la poêle. Bien cuit. Ça filait une odeur épouvantable dans toute la tôle et ça asphyxiait les matons. Mais ces steaks étaient super. Et Vinny, comment tu veux que tiens? Juste à point. Juste à point? Oh, on a un aristocrate. En général, quand on Vinny. Pense à la prison, tiens ton homard. On voit tout de suite les images des vieux films, avec des rangées de types derrière des barreaux. Mais c'était pas comme ça pour les affranchis. C'était pas si terrible que ça. Sauf que Jimmy me manquait. Il purgeait sa peine à Atlanta. Vinny, prends-moi deux steaks tant que t'es là-bas. D'accord. Un jour, ils en avaient eu ras-le-bol. Tous les autres dans la tôle, ils l'attiraient vraiment leur peine, les uns sur les autres, vivant comme des cochons. Et nous, on vivait seuls. C'était nous, les patrons. Ils leur ont ruiné la tête à coups de pâte de baseball. Tu les reconnaissais? Bravo, ils l'avaient mérité. Même les matons qu'on pouvait pas acheter, ils balançaient pas les vendus. Tout le quartier respectait, tout le monde s'aimait, tu les jettes à porte ouverte. Pardon, ça a pris du temps. C'est le gardien Maigrichon qui commence salement à me faire chier. Ouais, il va falloir s'occuper de ce truc. Non, j'ai fait nécessaire. Bon, qu'est-ce que tu nous rapportes? Alors, du pain. Bon, bien, Fred. Vinny, j'ai tes poivrons et tes oignons. Salami, prosciutto, pain de fromage. Très bien. On peut manger. Du rouge et un peu de blanc. Donne-moi le blanc aussi. Magnifique. Allez, les garçons, à table. Bon, c'est prêt, Vinny? J'arrive. Demain, sandwich, faut te mettre au régime, Vinny. Crois-moi. Cette scène est surréaliste, on se surprend à vouloir être assis à côté d'eux pour goûter ce qu'ils sont en train de cuisiner, tellement ça a l'air bon. Alors, on a beaucoup insisté là-dessus, Sophie Gigot, hein, sur le fait que les normes dont les gangsters veulent s'affranchir, bah, ils les reconduisent. Hein. On entend bien la répartition des tâches, l'importance de la cuisine, qui montre que le besoin de codes et de règles est plus que jamais présent pour structurer le gang. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette importance accordée aux scènes de la vie domestique. Dans tous les films de Scorsese et dans celui-là en particulier, dans une scène qui arrivera un peu plus tard aussi, il y a une espèce de mise en parallèle entre le vol du siècle et la préparation du repas du soir par Henry Hill. Cette importance accordée à la vie domestique, on la retrouvera aussi dans la filmographie de Tarantino, où il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs à faire. Mais ici, elle apparaît de manière emblématique, comme si c'était ça aussi, au-delà du personnage du gangster, qui intéressait Scorsese de plonger dans cet univers-là pour essayer d'en ressortir quelque chose qui a du goût aussi. C'est ça qui apparaît au spectateur. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un sens du goût et au fond une réflexion sur ce que c'est qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Mmh. Et donc, elle ne peut pas être vécue que dans les moments de l'ordre de l'événementiel, les actions coup d'éclat. Elle doit aussi se répercuter dans la vie quotidienne. Et donc, à travers la jouissance de plaisirs qui sont des plaisirs qu'on veut raffiner. Donc le gangster, c'est celui qui tire vers l'exceptionnel, qui veut s'écarter de la moyenne, du plouc, mais aussi de la moyenne au sens des comportements de vie tout à fait ordinaires, et d'injecter de l'exceptionnel et du significatif et de l'intensité dans sa vie à travers les petits plaisirs. Donc il y a toute une réflexion sur la vie belle, au fond, avec un tri des plaisirs qui va vers une forme d'épicurisme. Ce sont effectivement ces tranches très fines de l'ail qui va donner plus de goût. Donc il y a cette aspiration à la finesse, à des plaisirs raffinés, qui montre aussi que les gangsters sont tout à fait lucides sur un enjeu qui est l'enjeu de la culture associée à la classe sociale. Donc il ne s'agit pas seulement d'un enrichissement, mais aussi d'aspirer à tous les codes culturels et à tous les plaisirs très raffinés dont la bourgeoisie ou les privilégiés jouissent eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend bien du coup dans cette scène que les gangsters, en tout cas ceux qu'on nous montre dans la plupart des films et dans ceux de Scorsese, ne sont pas des révolutionnaires, sont pas des gens qui seraient porteurs d'un projet politique visant à abolir des privilèges et à établir une forme d'égalité, notamment envers la classe ou les classes pauvres et immigrés dont ils sont issus, sont des gens qui veulent être califes à la place du calife, hein, très simplement, et qui, au gré des opportunités, travaillent à se hisser vers cette caste de privilégiés. Et le terme est explicitement dit dans la scène qu'on vient d'évoquer, une forme d'aristocratie. Ils veulent faire partie des aristocrates, pas seulement des riches, pas seulement des parvenus, mais des aristocrates, avec cette classe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, une constante des films de gangsters. C'est cette idée que on est gangster pour devenir quelqu'un. Comme le dit d'ailleurs Henry Hill, là encore au début du film, être quelqu'un dans un quartier où les gens ne sont rien. On trouve ça aussi, je pense, à une scène du film d'Elia Kazan sur les quais, qu'on retrouve aussi, reprise par le personnage de Robert De Niro, à la fin du film de Scorsese, Raging Bull. Je voulais avoir la classe. Je voulais pas seulement devenir riche, je voulais être quelqu'un. I wanted to be somebody. Et donc cette idée d'avoir la classe, donc une forme d'élégance, de raffinement, de goût, elle est centrale dans cette idée de la vie belle et bonne que se font les gangsters. Et c'est pour ça que ce terme d'éthique a vraiment tout son sens quand on parle de ces hommes. Mais ce sont des personnages vraiment tragiques, parce qu'au fond, en tout cas ce que ces films nous montrent, il y a peut-être des gangsters qui réussissent, mais c'est qu'eux-mêmes échouent à s'affranchir des codes dont ils veulent s'affranchir, et ils échouent dans les propres codes qu'eux-mêmes se sont reconstruits. Dans ce film-là, c'est très clair, l'anticonformisme souhaité par Henry Hill au début, finalement est motivé aussi par une sorte de désir consumériste qui est vraiment le cliché du rêve américain. Et il va se faire avoir parce qu'il veut pas simplement être un gangster, il veut être le plus riche possible. Et au fond, il désire la même chose que tous les autres citoyens américains qui lui ressemblent. Et il va se vautrer dans une sorte d'échec et de médiocrité qui est pour lui d'ailleurs le pire des échecs, hein, cette médiocrité. Mais il ressemble à tout le monde. Il y a quelque chose de tragique ici dans cet itinéraire d'un gangster raté. Oui. Alors, c'est vrai que on parle parfois d'un destin tragique de la figure du gangster en général. Un critique de cinéma qui a écrit là-dessus, c'est par exemple Warshaw, qui parlait de ce genre populaire et qui expliquait que le cinéma de gangster, il est populaire parce que justement, il nous parle de l'échec, de la faillibilité qui est inhérente à la condition humaine. Et donc, de la même façon que nous sommes voués à échouer d'une manière ou d'une autre, la mort étant une forme d'échec ultime ou d'imperfection ultime, eh bien, le gangster, lui aussi, est voué à faillir et à échouer. Et c'est vrai que il y a cette idée que les gangsters qui avaient voulu défier cet échec en atteignant des formes d'ascension très, très rapides et très élevées, payaient cette réussite au prix fort d'une chute et d'un châtiment extrêmement dur. Et il y a l'idée chez Warshaw que, du point de vue du spectateur, on y trouve une sorte de satisfaction de nos pulsions sadiques, satisfaction double, parce que d'un côté, on est spectateur de cette violence réalisée par les gangsters à l'écran, qui du coup, par procuration, nous permet d'en jouir. Et en même temps, on se réconcilie avec nos aspirations morales, puisque cette violence est punie à la fin du film en général, mais pas de tous les films. Dans le cas de Henry Hill, c'est un petit peu le drame de sa vie. C'est quelqu'un qui essaye d'échapper à la médiocrité et qui est sans cesse rattrapé par cette médiocrité. Et donc, en plus, c'est vrai que ce n'est pas un personnage qui a été construit d'une manière charismatique. Au contraire, tout est fait pour nous présenter un personnage inquiet, un petit peu faible, tourmenté, dont on voit tous les défauts et les imperfections, et qui, du coup, à la fois ne va jamais atteindre une position de pouvoir vraiment assumée, et en plus, ne va pas non plus respecter les codes moraux ou l'éthique la plus importante qui structure le gang. C'est-à-dire qu'on s'affranchit, mais on s'affranchit aussi au nom d'un système de valeurs, qui sont des valeurs, pour le coup, tout à fait anciennes et traditionnelles, qui sont celles du monde féodal, donc la loyauté, la bravoure, l'honneur. Et Henry Hill va commettre la mauvaise action la plus crasse, la plus abjecte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités criminelles à condition, justement, de ne pas être une figure pathologique et immorale. Oui. On peut être un brigand, mais on n'est pas un voleur. Donc, il faut quand même respecter des codes. Voilà, mais je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Comme ça, en plus, on ne dévoilera pas la toute fin du film, ce qui n'est pas plus mal. Libre à chacun d'aller regarder le film. Et je vous encourage évidemment à le faire pour voir comment ça se termine et voir si Henry Hill parvient ou pas à se libérer de ses codes. Henry Hill, donc Ray Liotta, formidable dans ce rôle. Karen, j'ai listé Lorraine Bracco. Et puis, évidemment, James Conway, c'est Robert De Niro. Joe Pesci, qui joue Tommy DeVito. Et Paul Sorvino, dans le rôle de Polly. Merci beaucoup, Sophie Gigot, de nous avoir parlé des Affranchis ce matin, de nous avoir montré à quel point ce film nous invite à la réflexion et puis surtout de nous avoir donné envie de le voir ou de le revoir. Merci et à bientôt. Avec plaisir. On se quitte avec l'une des nombreuses formidables chansons du film Sunshine of Your Love. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver Aurélien Bélanger et sa question de philo. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question, eh ben, c'est une question que se posait Montesquieu. Comment peut-on être français? Et vous pensez avoir trouvé la réponse dans une chanson de Michel Sardou. Alors, il faut que je vous raconte. Oui, racontez-moi. J'ai eu le privilège d'abord d'être convié à un dîner de dégustation dans le Sauternay. Les verres de vin liquoreux se sont succédés jusqu'à l'apothéose d'un château Yquem 2001, servi avec du bleu. Inutile de dire que la réputation du célèbre Sauterne n'est nullement usurpée. Je manque même de vocabulaire pour dire à quel point c'était bon. Le vin, on sait, c'est des adjectifs, des cascades de qualité. Le Yquem appelle plutôt sur lui les outils ambigus de la théologie négative. Bon, je sais que vous avez forcément bu avec modération, puisque vous êtes là ce matin pour en parler. La théologie négative, ça veut dire en fait qu'on peut seulement dire ce qu'il n'est pas, ce vin. Exactement. Et le château Yquem n'est pas mauvais. Heureusement, l'un de nos hôtes, un sosie de Philippe Soler, s'est venu faire un discours. Il a parlé de verticalité, de racines profondes de plus de 15 mètres. Il a parlé du botrytis, le champignon responsable de la pourriture sacrée, cet équilibre parfait entre les arômes et le sucre. Un grand Sauterne, c'était un monument invisible, une incroyable concentration d'énergie. Après avoir raccompagné au bus sous une pluie d'orage la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, cet autre monument de la culture française, j'ai fixé la route d'un noir éblouissant prêt à toutes sortes de nouvelles épiphanies patriotiques.